Bonjour tout le monde, ici André Péloquin et vous écoutez Pas de modernisme, la 38e édition. Oh oui! Avec vous en cette 38e édition de Pas de modernisme pour ceux qui auraient manqué la précédente On est en train de faire quelque chose d'un petit peu spécial ici, là. On essaye de couvrir, tant bien que mal, les concerts de Pop Montréal qui s'en viennent. Je vous suggère, pour ceux qui l'ont manqué, de télécharger la 37e édition pour avoir les suggestions des concerts à ne pas manquer lors de la première journée de Pop Montréal, le 4 octobre. Aujourd'hui, on va se parler des concerts qui se tiendront jeudi le 5 octobre lors du Festival de musique internationale Pop Montréal. On a d'ailleurs débuté cette balado avec du Power Up First, c'était la pièce Scénario Entry. Eux seront en concert au Zoo Bizarre, c'est le 6388 Saint-Hubert dès 23h. Il y a une première partie qui reste à être confirmée avant. On va poursuivre dès maintenant avec des groupes qui, eux, se produiront à l'hémisphère gauche et au Main Hall. On va avoir entre autres du Major Bidet et du Bicycle, qui eux seront en concert à l'hémisphère gauche. Et on va aussi avoir un petit peu de folk de la part de Lake of Stew. Eux, ils vont nous jouer la pièce Hide in a Boxcar. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des demandes spéciales, des plaintes, peu importe, mon courriel, c'est le podmodernisme@gmail.com. Le site web de la balado, c'est le podmodernisme.blogspot.com. Et faites aussi laisser des commentaires dans la section commentaires si vous voulez pas interagir par courriel. Sait-on jamais, ça pourrait vous intimider. Là-dessus, trêve de bavardage, allons-y en musique! Ha ha! Girl, happy. Bonjour tout le monde, on vient d'écouter des pièces de Lake of Stew. C'était la pièce Hide in a Boxcar. Je vous le rappelle, ils seront en concert jeudi le 5 octobre dans le cadre de Pop Montréal au Main Hall, 5390 Saint-Laurent, en compagnie de Xvazir, de Three String Quartet et de The Creek. C'est ça. Oui! Un peu avant, on avait aussi du Major Bidet avec Painful Love. Aussi, on avait du Bicycles avec Gotta Get Out. Eux seront en concert à l'hémisphère gauche, 221 Beaubien Est, en compagnie du groupe au meilleur nom de groupe au monde, je crois. Ils viennent de remporter la palme. C'est King Kong Ding Dong. Oh oui, on va poursuivre maintenant avec des trucs un petit peu plus rock. On va avoir entre autres une valeur sûre, les Hot Springs avec Kako Disco. Ceux-ci seront en concert en compagnie des très excitants Tokyo Police Club. Il y a quand même un bon buzz alentour de cette formation canadienne. Ça va se passer à la Sala Rossa, 4848 Saint-Laurent. Le 5 octobre, je vous le rappelle, on va aussi avoir un classique de Natacha, Esclavo del Rock'n'Roll. Ceux-ci seront en concert au Quai des Brumes, 4481 Saint-Denis, en compagnie de Davy Lefkovitch et des très mignons Forest City Lovers. Si vous aimez le folk, vous devriez bien aimer ce groupe. D'ailleurs, Natacha aussi, ça vaut la peine. Si vous les avez déjà vus en concert, vous allez assister maintenant à leur résurrection. Ils étaient 5, ils sont maintenant 4. Il y a un album qui s'en vient en novembre, juste à temps pour ma fête. Alors, ça devrait être de la bombe sur scène. Et on va aussi avoir du Ad Astra per Aspera. On va avoir la pièce Post Scar City Sing Along. Eux seront en concert au Patrovis. 3, 5, 6, Mont-Royal Est, en compagnie de Raising the Fawn, de A Ghost is Dancing et A Northern Chorus. En avant la musique! Don't run. 38e édition de Podmodernisme, la balado-diffusion qui essaie tant bien que mal de se concentrer sur tout ce qui se fait d'alternatif au Québec. Et ces jours-ci, je vous rappelle, spécial Pop Montréal, tout ce qui se produit maintenant, que ce soit des artistes locaux ou internationaux qui vont se produire lors de ce festival de musique alternative qu'est Pop Montréal. Et on vient d'entendre les pièces de Ad Astra Per Aspera. C'était Post Scar City Sing Along. Natasha, c'était la pièce Esclavo del Rock'n'Roll. Et les Hot Springs, c'était la pièce Caco Disco. Pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur ces groupes, je vous invite à visiter mon site web. C'est le podmodernisme.blogspot.com. Quand je suis capable de trouver un site web officiel de ces groupes, je vous les mets en hyperlien, comme ça si vous voulez avoir plus de détails sur la biographie du groupe, si vous voulez vous procurer leurs albums, acheter des billets pour leurs concerts, avoir couché avec, qui sait jamais, eh bien vous trouverez là plus d'informations pour vous aider à réaliser votre but. Je vous rappelle que la musique qu'on joue ici est entre guillemets pod safe, pour emprunter une expression à la mode anglophone. C'est la musique qu'on peut télécharger sur les sites web ou sur les pages MySpace de ces groupes. Alors, si jamais il y a des pièces de groupes que vous adorez sur ce podcast, mais que l'album en tant que tel vous charme pas vraiment, souvent vous pourrez trouver ces pièces sur les sites des groupes. On va terminer en beauté avec du hip-hop et un show qui est très attendu, une valeur sûre, le retour de TTC, le nouvel album s'en vient. TTC, groupe chouchou du public montréalais, ça devrait carburer. Et pour vous illustrer ce concert, on va vous jouer des extraits de leur première partie. On va avoir Spankrock avec l'éternel Rick Rubin et aussi du Omnicrom. On va avoir la pièce Achète-moi, mais le remix de DJF. Pour avoir plus de détails sur DJF, en plus d'Omnicrom, j'ai mis aussi un lien vers sa page MySpace. Cet événement se tiendra au Club Soda. C'est au 2225 Saint-Laurent. Ça commence vers 21h. En compagnie de Passy Rock et Devlin and Darko qui vont débuter le bal. C'est une présentation du Nightlife Magazine. Je m'appelle André Péloquin et on se reprend très bientôt pour la 39e édition de Podmodernisme qui, elle, abordera les concerts du vendredi 6 octobre qui se dérouleront, c'est ça, ce jour-là à Pop Montréal. Je vous rappelle mon courriel. Si vous avez des questions d'ici là, des commentaires, peu importe, podmodernisme@gmail.com. À la prochaine tout le monde! some bitch. Is it just a slick though? Is it off key? Is it just too hip? Well, is it too fucking for your regular bitches? Is it the very reason that you're on my d- well, is it? Is it rocking? Is it simply shocking? Is it done too well? And you like to watch it? Is it off the gnarly? Hops and barley? Ooh, child, who are we? Godly, sorry. Is it not enough? Is it just too much? Is it out of touch or is it the touch? Is it that creation you've been patiently waiting for? Bloody as raw, soulfully hard. But does it get you moving? Is it too confusing? Am I losing you with these theories I'm proving? Is it shucking around. I bet you ain't nobody trying to f*** me now. I'm trying to assure I'm the rule in this town. Like Ronnie, Bobby, Ricky, Mike, I hope they're cool in it now. Rappers act like we owe them something these days. Thinking they're legendary when they're million crazy. Tell mothers not to worry cause it's simply a phase. The baseball card collecting up right on stage. Might just raise a fist to ignite this rage. Extend the devil horns to engage in an insane exchange. Lines from this brain jolt into the system like some real cool insane trash. Left them hanging like a runaway slave. Finger eyes to gaze a permanent. And Mr. Razor with my footsteps. Revolutionaries the hood best. Hey, clap, don't hold back cause I rock that.